bas sans tomber dedans l'état. Qu'il a fait le chat, qu'il a vu la souris, qu'il a dit les perdrix.